Le rassemblement consacré au premier anniversaire de la visite du dirigeant suprême Kim Jong-un à l'usine de la peinture de Sungyong a eu lieu le 11 courant sur place. Le rapporteur y a indiqué que le dirigeant suprême a visité en août de l'an 5 du juillet 2016 les processus de production de la peinture acrylique nouvellement mis sur pied à notre manière et a éclairé la voie à suivre par l'usine. Il a souligné que sa visite était une occasion significative qui revêt une importance remarquable pour réaliser au niveau élevé l'adaptation de la fabrication des produits chimiques comme la peinture acrylique à la réalité coréenne et développer toujours l'économie nationale en recourant à la capacité de se renforcer soi-même.